بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le samedi 13 Rajab 1444 de l'Hégire, correspondant au 4 février 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre lecture des fatawa de l'manhaj de Cheikh al-Allama Ahmed bin Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc aujourd'hui, la dernière fatwa qu'on avait lue, dans le cours précédent, on avait lu le fatwa sur les sectes. Je ne sais pas si on l'a fini ou pas. En tout cas, le fatwa dans laquelle Cheikh Rahimahullah a été interrogé au sujet de plusieurs sectes égarées, notamment l'Ikhwan, Al-Qutbiyoun, Tablir, Sofia et d'autres. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer si on a bien lu la totalité de la réponse de Cheikh? Barakallahu fikum. Non, je pense qu'on a lu. Donc aujourd'hui, nous allons lire, bi'idhnillahi ta'ala, un courrier qui a été envoyé à Cheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde, par un salafi du Yémen. Un talib ilm salafi du Yémen qui a été dans un premier temps il a été affilié à l'Ikhwan en pensant que ce sont eux Ahl Sunna wal Jama'a, et par la suite il a découvert le manhaj salafi après avoir atteint des rangs dans cette secte de l'Ikhwan. Et il a dévoilé certaines de leurs pratiques dans ce courrier-là qu'il a adressé à Cheikh Ahmed Najmi Rahimahullah. Donc, ce courrier, il a été mis dans cette compilation de fatwa, malgré que c'est pas une fatwa, lakin, ça permet de voir comment agissent l'Ikhwan d'une manière générale. Après, il y a un point très très important qu'il faut connaître. C'est que les sectes, Il n'y a que Ahl Sunna wal Jama'a qui sont sur la même voie. Tu prends un salafi, je ne parle pas de quelqu'un qui se dit salafi, quelqu'un qui est réellement salafi, qui s'accroche vraiment à cette voie de salaf salih avec science. Tu prends un salafi du Yémen, un salafi du Maroc, un salafi d'Algérie, un salafi d'Arabie Saoudite, un salafi de Chine, du Japon. Naam, il y en a au Japon aussi, partout dans le monde, alhamdoulilah, sunnah. Donc tu prends un salafi d'Inde, un salafi du Pakistan, quel que soit son pays, tu vas trouver qu'ils sont tous sur la même chose. Et ça, c'est pas valable pour les sectes. Toutes les sectes, sans exception. C'est pas possible de trouver un soufi d'Afrique exactement comme un soufi d'Asie. C'est pas possible. Un Ikhwani de la Syrie, c'est pas comme un Ikhwani d'Égypte. C'est pas comme un Ikhwani d'Arabie Saoudite. Et ainsi de suite. Pourquoi? Ça, c'est parmi les plus grandes preuves rationnelles que manhaj al-sunna wal-jama'a, c'est la vérité. Naam. Comme l'a dit Abu al-Mudhaffar al-Sam'ani, rahimahullah. C'est parmi les plus grandes preuves que al-sunna wal-jama'a, ils sont sur la vérité. Pourquoi? Tout simplement parce que les sources chez al-sunna wal-jama'a, elles sont les mêmes, elles sont identiques. Elles sont pas dépendantes du pays ou du cheikh ou de la compréhension d'un tel ou d'un tel. Non. c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhissalam, comme elles étaient comprises par les compagnons radiyallahu anhum, et puisent dans la même source et ils sont sur la même voie. Là, quand tu prends un Ikhwani de la série, tu peux trouver qu'il donne un petit peu plus d'importance à l'aqida qu'un Ikhwani d'Égypte. Et tu prends un Ikhwani d'Arabie Saoudite, tu vas trouver qu'il est encore plus sur aqida al-sunna wal-jama'a dans les noms, dans le domaine des noms et des attributs, même à la perfection dans ce domaine-là, lakin, dans son manhaj, dans sa méthodologie, tu vas trouver qu'il penche plus vers l'ikhwan. C'est pour ça, la confusion chez l'ikhwan d'Arabie est plus grande, car il ressemble aux salafiyin dans l'apparence et dans beaucoup de points. D'où le danger. Car plus la personne est proche de la vérité, plus son égarement sera minutieux et subtil et ne pourra être dévoilé que par les savants. Contrairement à quelqu'un, tu le vois déjà, un Ikhwani d'Égypte, en général, tu le vois, il est déjà rasé, il n'y a pas les traces de la sunna sur son apparence, d'une manière générale. Donc, il y a un Ikhwani en Arabie Saoudite, tu vas trouver, et il donne de l'importance à l'apprentissage, il y a beaucoup de choses en commun avec Salafiyin, avec Al-Sunna wal-Jama'a. Lakin, quand il vient à la politique, il dit, c'est pour ça qu'ils disent en Arabie Saoudite, on est Salafi dans l'Aqida et Ikhwani dans le Manhaj. Car ils voient que l'Ikhwan, ils sont meilleurs que les Salafiyin dans la politique. Ils vont dans les parlements, ils participent dans les élections, et ainsi de suite. Ce qui est faux, bien évidemment. Donc ça, c'est les paroles, et c'est le témoignage de quelqu'un qui a connu l'Ikhwan et qui a évolué dans cette secte et il a fini par les délaisser. Car on pense que c'est quelqu'un qui voulait la vérité. Et ça, subhanallah, c'est vrai. Quand tu cherches la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu lui montres que tu veux vraiment que la vérité, t'as pas de fanatisme pour qui que ce soit. T'as pas de suivi aveugle pour qui que ce soit. Ton fanatisme, c'est pour la vérité. C'est pour le kitab et le sunnah. C'est pour le prophète, alayhi salatu wassalam. En dehors de ça, t'as une balance avec laquelle tu peux distinguer le vrai du faux. Et il n'y a pas un savant qui est à l'abri de l'erreur. Mais malheureusement, quand on est éduqué dans le fanatisme, dans la vénération des chouyours, chose qui ne fait pas partie du tout de le manhaj salafi. Le manhaj salafi, il dit à celui qui est tombé dans une erreur, t'es tombé dans une erreur. Et après, on regarde la taille de l'erreur. Pas toute personne qui est tombée dans une erreur est sortie de l'islam. Pas toute personne qui est tombée dans une erreur est sortie de la salafia. On regarde ce que c'est, la gravité, la taille de l'erreur, et on fait le nécessaire avec la personne, que ce soit le conseil, et ainsi de suite. Si la personne, elle persiste sur l'erreur, on voit est-ce que c'est une divergence tolérée ou pas. Après, on prend les mesures adapté et approprié à la gravité de son erreur et à son attachement à la sunna. Il y a plusieurs paramètres qui sont pris en compte dans ces affaires-là. Donc ici, ce courrier qu'on va lire, inshallah, il dit الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc après les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et les salutations et bénédictions sur son noble prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur de tous les messagers, et sur les membres de sa famille ainsi que ses compagnons, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, يقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le sens approximatif de ce verset, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب, dans le sens redoutez donc d'être soumis à une tentation qui n'affectera pas exclusivement les injustes parmi vous. Et sachez qu'Allah a la punition très dure. قد ورد في صحيح البخاري وغيره عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Donc il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Hudhayfa radiyallahu anhu, que le prophète, que il a dit, Hudhayfa lui-même, il a dit radiyallahu anhu, le confident du prophète alayhi salatu wassalam, celui à qui il a confié la liste des hypocrites, il dit que les gens interrogeaient le messager d'Allah alayhi salatu wassalam au sujet du bien. Et je l'interrogeais au sujet du mal, afin de ne pas tomber dedans. Et ça démontre une grande compréhension de la part de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Car la science parfaite, c'est pas uniquement de connaître le bien. La science complète, et l'objectif dans la science, c'est pas d'arriver à connaître le bien seulement, mais de connaître aussi le mal, afin de ne pas tomber dedans. Comme il a dit le poète, ta'allamtu ash-sharra la lish-sharri, lakin litawaqqihi, man lam ya'rif ash-sharra min al-khayri, yushiku an yaqa'a fihi. Je n'ai pas appris le mal pour le mal, pour le mettre en pratique. J'ai appris le mal afin de l'éviter. Car celui qui ne distingue pas le bien du mal, bientôt il tombera dans le mal. C'est pour ça que tu dois apprendre Tawhid et apprendre son opposé, Shirk. Et la lacune chez la plupart des muslimines, c'est qu'ils ignorent ce que c'est Shirk. Ils savent d'une manière globale ce que c'est Tawhid et que c'est vouer l'adoration à Allah, mais après, ils ne savent pas que ça c'est une adoration qui doit être réservée exclusivement à Allah. Et il ne sait pas que jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk. Il ne sait pas que attacher un talisman, c'est du shirk. Il ne sait pas, et ainsi de suite. Donc dans la science, il est demandé de connaître le bien pour le mettre en pratique et de connaître le mal afin de ne pas tomber dedans. C'est pour ça les savants, les meilleurs des savants, c'est ceux qui atteignent le summum dans ces deux domaines. Dans la connaissance du bien et dans la connaissance du mal aussi. Connaître la sunna et connaître le bid'a. Celui qui distingue pas la sunna du bid'a, bientôt il tombera dans une bid'a, en pensant que c'est une sunna. Donc sa science n'est pas suffisante pour le prémunir de tomber dans les égarements. C'est pour ça, Hudhayfa radiyallahu anhu, il demandait et il interrogeait le prophète alayhi salatu wassalam au sujet du mal. Et ça, en général, ceux qui brillent, ceux qui arrivent à ces degrés-là, c'est les savants de l'jarh ou ta'dil. C'est pour ça qu'ils sont détestés par la plupart des gens. Et ils sont combattus par la plupart des gens. Car les gens, ils veulent pas que tu dises un tel, il a fait telle chose, tel mal, telle erreur. Même si c'est fait avec science et équité. On n'attribue pas à la personne autre que ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a écrit. Est-ce qu'elle a adopté comme égarement? Malgré ça, on les aime pas. Wallahu musta'an. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر إلى ديو مساجد الله. Écoutez bien mes frères ce hadith. Tous les hadiths du prophète A.S. sont importants. Mais ce hadith, il a une importance capitale dans la distinction du bien du mal, dans la connaissance de le manhaj salafi. Car le manhaj salafi, il est devenu étrange pour salafiyin. Pour salafiyin, c'est devenu un manhaj étrange. Un salafi qui apprend et qui étudie pendant des années et des années. Et tout ce qu'il a appris, ça lui permet même pas de distinguer le bien du mal. Il arrive une fitna comme celle-là, fitna de Ben Hadi, et il ne sait pas distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Mais pour beaucoup de ceux qui ont appris, il y en a qui sont dans l'ignorance, ils suivent aveuglément. Ils suivent selon la place qu'avait Mohammed Ben Hadi avant cette fitna. Et na'am. C'était un de nos grands savants. Lakin, il reste l'élève de Sheikh Rabi' al-Madkhali, le grand spécialiste dans ce domaine, et duquel nous avons vu dans cette fitna directement. On n'a pas été leurré par Sa'afiqa ni al-Musa'afiqa. On a vu directement la crainte d'Allah chez cet homme de science et comment il a cherché les arguments. Et comment il a exigé les arguments et il a tout fait pour suivre la vérité et faire triompher la vérité. C'est quelque chose que personnellement j'ai vécu et j'ai vu de cet homme de science. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui nous a guidés. Wallahi, c'est pas par notre intelligence. Ni par notre crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car personnellement, j'étais beaucoup, beaucoup plus proche de Mohammed ibn Hadi que de tous les autres savants. Lakin, quand on a vu que Sheikh Rabi' a donné sa décision basée sur les preuves et la science, on s'est écarté de Mohammed ibn Hadi. Et on espère qu'on a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, ceux qui ont suivi l'ulama, inshallah, pour la plupart d'entre eux, ils ont cherché la vérité. Surtout ceux qui étaient proches de Mohammed ibn Hadi. Car comme on se dit entre nous, entre tullab, Cheikh Rabi', si tu prends position, tu le suis, tu vas rien gagner. Il va pas te faire de tezkiyat, il va pas t'élever, contrairement à ce que fait Mohammed ibn Hadi. Il a élevé des gens qu'il n'aimait pas avant. Il a fait des grands tezkiyats à des gens qu'il ne supportait pas avant. Et je parle d'un étudiant marocain qui n'assistait que rarement chez lui. Il ne l'aimait pas. Et pourtant, quand il y a eu cette fitna, c'est le seul qu'il a trouvé avec lui. Alhamdoulilah, tous les étudiants marocains que je connais, les anciens, tous ils ont suivi al-haq, ils ont suivi les grands savants, ils ont suivi Cheikh Rabi', hafidhahullah. Mais il a fait une tazkiyah comme il en a jamais fait à quelqu'un auparavant, à ce frère que je connais très très bien et avec lequel j'étais lié d'une grande amitié. Il lui a fait une grande tazkiyah. Alors que c'est pas dans ses habitudes de faire une tazkiyah de cheikh à un étudiant. Ça, il l'a pas fait avec les plus anciens de ses élèves, comme cheikh Arafat. Et d'autres étudiants qui sont beaucoup plus anciens, qui ont plus de 25 ans avec le ulama. Lakin, juste parce qu'il s'est mis de son côté et il l'a suivi dans cette fitna. Donc je disais par rapport à ce hadith, Hudayfa radiallahu anhu a dit au prophète alayhi salatu wassalam, dans sa question, il a dit au messager d'Allah, nous étions dans une grande ignorance et dans un mal. Il parle d'avant l'arrivée de l'islam, avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que après ce bien, il y a un mal? Regardez la question. Est-ce que après ce bien qu'on a connu avec l'islam et avec ton envoi, est-ce qu'il y aura un mal après cela, où les gens vont rester attachés à l'islam dans son authenticité? Le prophète lui a dit oui, il va y avoir un mal. Il lui a dit est-ce que wahal ba'da dhalika ash-sharr min khair, et est-ce que après ce mal, il va y avoir un bien? Il a dit oui, na'am wa fihi dakhan, mais avec une fumée, c'est-à-dire c'est pas un bien pur comme l'était le bien du début de l'islam. Hudayfa radhiyallahu anhu, il s'est contenté de cela? Non. Il a dit c'est quoi ma dakhano? C'est quoi cette fumée qui va perturber la clarté de l'islam? Il a dit qaumun yahduna bighayri hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Il a dit des gens qui guident avec autre guidée que la mienne. Tu reconnais d'eux des choses et tu blâmes d'autres. Donc ils ont des choses en accord avec la sunna et d'autres en désaccord avec la sunna. Ensuite, il a dit, radiyallahu anhu, il a dit, فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرْ. Donc un bien avec le début de l'islam. Après ce bien, un mal. Et après, un bien dans lequel, un bien qui n'est pas pur. Il lui a dit, est-ce que après ce bien, il y aura encore un mal? Il a dit, na'am. Oui. Du'atun ila abwaabi jahannam. Ce que je connais, du'atun ala abwaabi jahannam. Peut-être c'est une autre version. Du'atun ila abwaabi jahannam. Man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Des prêcheurs sur les portes de l'enfer. Des prêcheurs qui appellent à l'enfer. Ceux qui les suivent, ils les jetteront dans l'enfer. قلت يا رسول الله صفهم لنا. Regardez la munition dans les questions et la compréhension dans les questions. Car ta question indique ton niveau de science. السؤال يدل على قدر علمك. سؤالك يدل على قدر علمك. يعني comment tu formules une question, ça démontre le niveau, ça permet de voir le niveau de science que la personne a. Mais il faut pas se gêner à poser tes questions. La seule condition que tu dois respecter, car apprendre à formuler tout ça, ça vient avec le temps. Et ça s'apprend. Lakin, il y a un critère à respecter. Pose uniquement les questions dont tu as besoin dans ta religion. Pose uniquement les questions où quand tu apprends la réponse, tu vas pratiquer, tu vas faire quelque chose. Ça va donner lieu à une pratique. Amma une question sur la théorie, sur quand Isa alayhi salam il va descendre, quand le Messie Dajjal il va aller à l'ouest. Ça c'est pas des choses yani dont tu as besoin. Si tu veux savoir le Messie Dajjal, apprends sa description, apprends comment te préserver de sa fitna et de sa tentation. Donc pose des questions sur des choses dont tu as besoin dans ta religion. Et ne suis pas yani tes pensées et tes idées dans la curiosité qui ne sera pas profitable pour toi. Oriente ta curiosité vers l'apprentissage de ta religion et commence par les choses dont tu as besoin quotidiennement. Salat, adhkar, adhkar sabah, adhkar al-masa, tawhid, yani les choses dont tu as besoin tous les jours. Ça, c'est la priorité. C'est pour ça que quand l'imam Malik a été interrogé sur la demande de science, il a dit « la demande de science est une excellente chose. et il a expliqué ce que c'est la demande de science, c'est de savoir dont tu as besoin pour adorer Allah quotidiennement. C'est ça la science. Et après, à chaque fois que tu affrontes une situation dont tu connais pas la réponse, avant d'agir, avant d'œuvrer, tu poses la question. Il a dit du'atun ila abwab jahannam man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha qultu ya rasul allah sifhum lana. Il a dit au messager d'Allah, décris-les pour qu'on les reconnaît, ces prêcheurs qui appellent à l'enfer. Faqala alayhi salatu wassalam hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ils sont de la même origine que nous. Et ils parlent avec nos langues, notre langue. Donc, c'est des Arabes. Et qui parlent la langue arabe. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك. Il lui a dit, qu'est-ce que tu me recommandes si j'atteins cette époque de la sortie de ces prêcheurs qui appellent à l'enfer? Comme ceux qui appellent les jeunes à aller vers Daesh, à aller vers Al-Qaïda, Al-Nusra. Et si seulement ils étaient sincères, en commençant par envoyer leurs enfants, les premiers. Leurs enfants, ils les envoient étudier dans les pays de Kufr. Et ils exhortent les enfants des musulmans à aller combattre aux côtés de l'Khawarij. Et si seulement ils partaient eux les premiers. Et ça, c'est les pires des Khawarij. Salaf, il les appelait Qa'adatul Khawarij, c'est-à-dire le Khawarij qui reste dans leur ville, qui reste dans leur pays, qui ne font pas de khuruj, mais par contre, ils ordonnent aux autres de faire le khuruj. Ça, c'est les pires. Car au moins, les premiers Khawarij, quand ils appelaient à la révolte contre le gouverneur, c'était les premiers qui sortaient. Au moins, ils sont sincères dans leur égarement. Ceux-là, ils n'ont ni la sincérité, ni la conformité à la sunna. C'est des menteurs. Et le khawarij, du premier d'entre eux jusqu'au dernier, c'est des gens qui veulent dunya, et non pas la religion, comme a dit le Hassan al-Basri. Est-ce que le gouverneur t'empêche de faire salat, t'empêche de faire le hajj, t'empêche de sortir zakat, t'empêche d'éduquer tes enfants dans ton foyer, dans la conformité absolue à la législation de l'islam? Non. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches le poste de ce gouverneur. Tu cherches à prendre sa place. Amma, si t'es sincère et tu veux que l'islam, propage l'islam dans ton entourage, selon ta capacité. Le gouverneur t'a interdit de donner des cours, alors enseigne à tes enfants. L'imam Ahmad a été interdit de donner des cours et de faire des assises de l'hadith. Il n'a pas dit ça, c'est un kafir, il n'aime pas le hadith. Il veut pas que je propage le hadith du prophète, il combat l'islam. On a toujours, on transforme le combat contre notre personne en un combat contre l'islam. Il t'a insulté avec ta barbe, on parle pas de lui. Lui, il a un autre jugement. Mais toi qui as été insulté par rapport à ta barbe, par rapport à ton kamis, par rapport à ton taksir, ne vois pas directement que la personne déteste l'islam et puis elle déteste la barbe du prophète A.S. Il n'aime pas le prophète A.S. Il n'aime pas le taksir. Non, peut-être il a un problème avec ta personne, avec ton comportement. En tout cas, celui qui est sur la vérité, il doit patienter sur la sunna jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et forcément, il sera éprouvé. Il sera tenté. Il va devoir supporter et patienter. Donc, ces prêcheurs qui appellent à l'enfer, qui parlent la langue arabe, Hudhayfa radiallahu anhu, il demande au prophète, qu'est-ce que tu me conseilles si j'atteins cette époque où ils sortent, il lui a dit, تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الله أكبر. Tu t'accroches et tu te cramponnes au groupe des musulmans ainsi que leur imam. Donc ça, c'est dans le cas où il y a un imam, il y a un groupe. Le groupe des musulmans ainsi que leur imam, leur gouverneur musulman. Le groupe des musulmans et leur imam. Tant qu'il y a cela, alhamdoulilah, ça existe à notre époque, alhamdoulilah encore. Yani, les nations de l'islam ainsi que leurs gouverneurs, tu restes avec eux. Et tu t'accroches à ce groupe-là. Il lui a dit, فَإِنْ لَمْ يَكُلْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ. S'il n'y a pas de jama'a ni d'imam, Allah nous sa'an, qu'Allah nous préserve de cela, une époque où il n'y a plus de jama'a, il n'y a plus d'imam. Et ça commence à apparaître dans certains pays où le fitan et les guerres sont répandues. Tu ne sais plus qui est qui ou quoi est quoi. Il n'y a plus de gouverneur, il n'y a plus de jama'a. Le pays est divisé en des centaines de groupes. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est ça la question de Hudhayfa radiyallahu anhu. فَإِنْ لَمْ يَكُلْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ. S'il n'y a ni groupe ni imam, qu'est-ce que je fais au messager d'Allah? Il a dit, فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ. Écarte-toi de toutes ces sectes. Et ne serait-ce qu'en mordant sur le tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort arrive en étant dans cet état-là. Un état où tu es toujours attaché à la sunna, même si tu es seul, même si tu t'écartes de tout le monde. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tout égarement et de nous raffermir sur la sunna. Et comme le Nabi alayhi wa sallam nous a informé que les fitanes nous cesseront d'augmenter et de s'amplifier. Et chaque fitna qui vient, ce qui l'a précédé paraît comme rien du tout comparé à cette fitna jusqu'à la fin des temps. Comme ça a été rapporté dans le hadith. Donc, le frère yéménite, il poursuit en disant, parmi le mal et les tentations auxquelles est exposée la Ummah, c'est la tentation de l'Hizbiyyin. Les fitanes de l'Hizbiyyin et de cette multitude de sectes qui sont apparues et qui font diviser la Ummah et qui ne se conforment pas à la tradition de notre prophète alayhi salatu wassalam et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce sont ceux-là, ces prêcheurs qui appellent à l'enfer wal'iyadu billah. Parmi eux, il a cité certaines, al-ilmaniya, ce qu'on appelle al-ilmaniya en arabe. Mais cette appellation n'est pas juste du point de vue linguistique, comme l'a expliqué Cheikh Taqiyuddin Hilali al-Maghribi rahimahullah. Ce qui est juste, c'est de les appeler al-ladiniya. Car l'ilmaniya, c'est comme si on les attribuait à la science. Et eux, il faut les attribuer à l'ignorance, non pas à la science. C'est les laïcs qui disent qu'il n'y a pas de religion. C'est pour ça qu'on les appelle al-ladiniya. Mais en réalité, leur religion, c'est cette croyance. C'est cette croyance qu'ils ont, c'est ça leur religion. Car la religion, c'est les croyances auxquelles tu adhères. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de religion. L'athée, il a une religion. Il croit en la matière. Et ainsi de suite. L'être humain a besoin d'une croyance. même l'athée a une croyance. Allah nous a créés comme ça. Ou bien c'est une bonne croyance ou une mauvaise. Donc il a cité en premier l'ilmaniya, qui disent il n'y a pas de divinité et la vie est créée de matière, et qui appelle à abandonner toutes les législations et à démentir les messagers. Et à renier le Créateur parmi d'autres croyances. Comme ces athées et comme ces laïcs, tu trouveras Al-Ba'thiyya Al-Qawmiyya. Ça, c'est un hizb qui s'appelle Hizb Al-Ba'th, un parti politique qui se trouve en Syrie, en Irak. Donc, qui appelle également à la mécréance et à l'apostasie et au délaissement de la religion de l'islam. Donc, ils sont comme ceux qui les ont précédés dans le jugement. Ils combattent la religion de l'islam, ils combattent la religion de la vérité, ils affrontent les alliés d'Allah parmi les monothéistes, ils les torturent quand ils peuvent, ils les mettent en prison, et ainsi de suite. Et parmi ces fitnes, qui a été la cause d'égarement de beaucoup de musulmans, car c'est pas comme celles qui ont précédé, qui appellent à délaisser la religion. Non, cette fitna, t'es appelé au suivi de la religion. Mais quelle religion? Et ça, c'est valable pour tous les hizbiyins qui appellent au sectarisme. Ils appellent les gens au nom de la religion, à la religion, mais dans un sens restreint, limité à un parti politique ou autre. Et ces sectaires, ils ont un point en commun, c'est qu'ils ne connaissent pas les textes appelant à l'alliance et le désaveu. L'alliance à la vérité et le désaveu du faux et de l'égarement. L'alliance au livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et le désaveu de l'associationnisme et des innovations. Ils ne connaissent pas ça. Mais ils ont une autre forme d'alliance et de désaveu qui est basée sur leur parti et sur leur secte. Et parmi ces sectes, les plus répandues dans les pays de l'islam et même dans les pays de mécréance, c'est la secte de la confrérie musulmane, les frères musulmans, ceux qui se font appeler les frères musulmans. Malgré que j'utilise pas musulman, j'utilise musulman, mais par rapport à eux, je dis musulman. Car c'est pas eux les frères musulmans. Pourquoi ils limitent la fraternité entre musulmans à leur secte? Tous les musulmans, ce sont des frères. Comme si c'était uniquement eux les frères dans l'islam. Tous les musulmans sont des frères en islam. C'est pour ça que quand j'appelle leur secte, je dis les frères musulmans. Et notre frère yéménite, il dit qu'il parle de cette secte après une longue expérience avec eux, qui a duré pendant 7 ans. 7 ans en étant affilié à cette secte, car il pensait que c'était le groupe qui suit la sunna. Et il est resté avec eux jusqu'à l'union qui a eu lieu au Yémen, l'union du Yémen. Et après cette union, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est un événement politique qui s'est passé au Yémen. après cette union nationale du Yémen, il a vu que ces Ikhwan, ils ont commencé à appeler à la démocratie. Contrairement à ce qu'ils savaient d'eux avant cette union nationale du Yémen. Ils ont commencé à appeler à la démocratie. Vous savez très bien que la démocratie, c'est le jugement du peuple par lui-même. Et l'islam, c'est le jugement d'Allah. La démocratie, comme son nom l'indique en latin, démocratie, c'est le jugement du peuple par lui-même. C'est-à-dire, c'est le peuple qui va tout décider. Même si ça s'oppose à la religion d'Allah. Amma l'islam, c'est le jugement d'Allah. Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. C'est ça l'islam. C'est pour ça la démocratie, même chez les juifs. J'ai entendu un juif qui disait la même chose que nous. Que la démocratie s'oppose à la religion d'Allah. Même pour un juif contemporain, pour lui, la démocratie, c'est contre sa religion. Mais après les juifs, comme l'Ikhwan, yani ils sont diplomates. Ils vont montrer qu'ils s'adaptent au pays dans lequel ils sont. Mais pour eux, c'est une mécréance. Comme pour nous, c'est une mécréance. Pour celui qui comprend. Là, il y a des gens qui pensent que la démocratie, c'est l'équité, c'est l'entraide sociale. Ils pensent que la démocratie, c'est ça. Et ils ont dit que la démocratie, c'est le meilleur moyen pour exprimer son avis et pour fonder un parti politique afin de diriger le pays et de permettre par la suite d'appliquer la charia. C'est ce qu'ils disent tous. Mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils retournent leur veste. Ils montrent la vérité de leur da'wa. Leur but, c'est pas d'appliquer la religion d'Allah. S'ils étaient véridiques, ils l'auraient appliqué dans leur foyer. Et ces gens-là, quand tu les vois, dans l'apparence, ils ne suivent pas la sunna. Alors qu'il n'a aucune pression. Il est indépendant, il est seul, c'est un musulman, il peut suivre la charia, il ne la suit pas. Il peut suivre la sunna, il ne la suit pas. Et il prétend que quand il va arriver au pouvoir, avec toutes les contraintes que cela implique, et il va arriver à appliquer la religion sur un pays. Il n'a pas réussi à l'appliquer dans un foyer qui est le sien, où il est l'unique qui commande et qui dirige. Et ces sectes, ils voient que l'adhérence à leur parti politique est parmi les plus grandes obligations religieuses. Car pour eux, c'est le seul moyen d'arriver à appliquer l'islam. Et c'est que des mensonges. Il a constaté chez eux qu'ils ont appelé aux manifestations. Et quand ils appelaient aux manifestations, il a constaté chez eux qu'ils mettaient l'accent sur la sortie des femmes dans ces manifestations pour mettre pression au gouverneur. Bien évidemment, ça c'est dans des pays où la pudeur est répandue, comme le Yémen, comme l'Arabie Saoudite. Car quand les femmes vont sortir, ça va mettre une grande pression pour le dirigeant en place. Contrairement à un pays où les femmes sont habituées à sortir dans tout et partout. C'est pour ça qu'il mettait l'accent sur les femmes, il dit, pour qu'ils sortent dans ces manifestations. Et ça, on l'a vu même en Égypte. On a vu des prêcheurs très connus, des stars comme Mohamed Hassan et d'autres, quand ils l'ont interrogé sur le jugement des manifestations, il a dit c'est autorisé. Alors qu'avant, il disait c'est haram. C'est une ressemblance mécréant. C'est pas un moyen de changement légiféré. C'est pas un moyen de réforme légiféré. C'est des moyens de koufa. Et ils lui ont dit, et quel est le jugement de la sortie des femmes dans ces manifestations? Il a dit, moi je suis sorti avec mon épouse. Ça avait argument irréfutable. Il est sorti avec son épouse. Wal'iyadu billah. C'est ça le hizbiya. Le hizbiya, ça apparaît dans ces moments difficiles. Mais les savants, ils le savent avant. Des fois, nous, on se pose la question, pourquoi les savants, ils ont mis en garde, pourquoi? Mais quand les fitnes arrivent, là, on comprend tous. C'est pour ça, le fitna, le savant la voit avant son arrivée. Mais le jahil, il la voit quand elle est déjà en place. Il a constaté chez eux également qu'ils ne mettent pas en garde du tout contre shirk et qu'ils n'accordent aucun intérêt, aucune importance à la da'wah du tawhid. Comment ils vont accorder de l'importance au tawhid alors que le fondateur de cette secte, comme on l'a déjà vu, il faisait des cours dans un mausolée, Qabr Sayyida Zainab, au Caire. Il animait des conférences dans ces mausolées-là. Quelqu'un il peut se dire, oui, il n'y a pas de mal, alors s'il blâme Shirk. Non, il ne va pas blâmer Shirk. Si c'est pour blâmer Shirk, non, c'est bien. Tu vas dans un endroit où il y a Shirk et tu fais un cours sur Shirk qu'ils font. Ça, c'est une bonne chose. Lakin, eux, ils vont et ils blâment pas du tout ce qui est pratiqué comme Shirk. Car pour eux, si tu mets en garde contre Shirk, même s'ils croient que c'est du Shirk, c'est ça qui est vraiment impressionnant chez ces égarés, ces sectaires. C'est qu'il peut croire que c'est du Shirk. Mais pour lui, c'est pas le moment pour changer ce Shirk. C'est pas le moment pour blâmer. Car ça va diviser. Yahri, quel intérêt à garder unis des gens, wahad mushrik, wahad muahid, wahad. Quel intérêt? Mais pour l'Ikhwan, le but ultime, c'est de regrouper un maximum de gens, de suiveurs, de personnes qui s'affilient à leurs idéologies. C'est ça le but ultime de ces sectes. C'est pour ça ils disent on regroupe et après on éduque. Et Al-Sunna ils disent on éduque et après on regroupe. C'est-à-dire on va unir les gens sur de bonnes bases et non pas n'importe quelle union. Donc ça c'est par rapport à Tawhid. Que dire des innovations? Ils participaient eux-mêmes, l'Ikhwan, dans les anniversaires du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans énormément d'innovations. Ils participaient dans les parlements et dans les élections parlementaires et ils se présentaient. Et tout ça en faisant des compromis sur leur religion et sur leurs convictions. Car c'est pas possible d'accéder à ces choses-là sans yani, laisser tomber une partie de ta religion. Et même quand tu vas arriver, si on suppose que tu réussis, tu accèdes au poste et au pouvoir, ces gens-là, ils sont tellement ignorants, ils pensent qu'ils vont changer, ils vont téléguider. Le jugement, c'est le jugement de la majorité. C'est ça la démocratie. Et ton opinion n'a aucun poids. Donc tu pourras rien faire. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais vu des sectaires qui sont arrivés à des postes de pouvoir et qui ont changé et qui ont permis l'application de sharia. L'application de sharia, ça se fait par le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, par le suivi de l'islam dans son authenticité. Et ça commence par la science et la propagation de la science. Et pire encore, il dit, quand il voit quelqu'un blâmer shirk, alors là, il s'oppose à lui ou blâmer les innovations. Ils vont le conseiller dans un premier temps, il a dit. Ils vont le conseiller de délaisser cela car ça divise et c'est pas encore le moment. Ils peuvent arriver jusqu'à le boycotter et pire encore jusqu'à mettre en garde contre lui s'il n'écoute pas leur conseil. Alors comment des gens comme ça, ils prétendent vouloir appliquer la sharia, vouloir suivre le prophète alayhi salatu wassalam, alors que l'amour du prophète alayhi salatu wassalam est sans suivi, c'est l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, c'est sans suivi dans ce qu'il a ordonné et dans l'écartement de ce qu'il a interdit. Et dans la foi, en tout ce qu'il nous a rapporté. C'est pour ça qu'il a dit au Yémen, Ikhwan, ils sont connus pour autoriser aux gens l'utilisation de l'qat. L'qat, c'est une sorte de drogue. C'est une plante qu'ils mâchent et ça fait le même effet qu'une drogue. Et ils leur autorisent également de fumer la cigarette. Ils disent, afin que les gens ne s'éloignent pas de nous. Car ils sont habitués à consommer ces choses-là. Si on leur dit c'est haram, ils vont s'écarter de nous. Ils vont dire qu'on est des wahhabis. Il a cité beaucoup d'égarements de cette secte au Yémen. Il a dit qu'il a continué avec eux jusqu'à un jour où ils ont fait encore une fois une manifestation dans laquelle il y a eu la mixité, il y a eu beaucoup d'interdits, beaucoup d'innovations, et il a été voir la personne qui est la plus haute dans ce parti, le plus grand responsable. Et il lui a parlé de ces interdits et que c'est haram ce qu'ils ont fait. Sa réponse, il lui a dit, alors si t'es pas d'accord avec la mixité entre les hommes et les femmes, alors on te charge de te mettre devant la porte des femmes et tu vas faire la distinction entre les hommes et les femmes et la séparation entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est comme s'il voulait le charger d'une chose pas possible et il se moquait de lui d'une autre manière. Et il a dit qu'il a continué avec eux jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert les yeux avec tout ce qu'il a vu de leurs égarements et il a connu le groupe sauvé, le groupe assisté, le groupe de Salafiyin. Et il a vu que ce groupe était en accord avec la Sunna. Par rapport à l'Ikhwan, il a dit qu'il a constaté aussi chez eux, ça c'est important à le dire, il a constaté chez eux qu'ils toléraient les péchés chez les gens de la masse et chez les membres de leur parti, comme la mixité, comme les photos, comme les chants, comme l'animation de spectacles et de chansons et ainsi de suite. Mais par contre, quand il s'agissait de gouverneurs, ils blâmaient leurs erreurs, sans jamais citer une de leurs qualités. Au contraire, ils peuvent amplifier ce mal du gouverneur et l'augmenter et même inventer des choses qu'il n'a pas fait et rajouter d'autres mensonges. Ils appliquent à appliquer la religion d'Allah et appliquer la législation d'Allah alors qu'ils sont dans des manifestations, ils sont dans des rébellions et révoltes contre les gouverneurs des causes de l'anarchie dans le pays et du coulement du sang haram et ainsi de suite. Tout ça au nom de la religion. Et à partir de cela, il a commencé à se poser des questions. Est-ce que ces gens-là sont sur la vérité? Il a cherché, il a trouvé les gens du tawhid, les gens de la vérité, al-sunna wal-jama'a, qui n'ont pas accepté la démocratie et qui n'ont pas accepté le sectarisme et qui n'ont pas accepté le communisme, contrairement aux frères musulmans. Et c'était la cause de son désaveu de toutes ces sectes. Il est venu vers le groupe de al-sunna wal-jama'a. Walhamdulillah. Donc, il a donné un conseil en fin de cette risala aux salafiyin d'accorder un maximum d'importance à la demande de science, la science du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, et de prendre cette science des savants de confiance, des savants qui se conforment à la compréhension de salaf salih. Et il nous recommande à tous la crainte et la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala et que notre alliance et notre désaveu soient autour de cette aqida et de ce manhaj et de s'écarter de tout ce qui est en désaccord avec la sunna et avec le manhaj as-salafi. Et que, quelles que soient ces nouvelles sectes et ces nouveaux partis qui apparaissent sous différents noms, ils sont tous pareils dans leur sectarisme et dans leur désaccord avec le kitab et sunna et al-fahm de salaf salih. Allah Azza wa Jalla dit, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَنْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Dans le sens approximatif, quant à l'écume, il se perd et se dissipe. Et quant à celui qui est utile pour les hommes, il demeure tel qu'il est sur terre. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Donc il ne restera que la vérité. Et toutes ces sectes qui apparaissent et qui disparaissent et qui se renouvellent, génération après génération, tout ça est voué à la perdition. Il ne restera que la vérité sur laquelle sont al-sunna wal-jama'a dans leur attachement au livre d'Allah et la sunna de leur prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension des compagnons qu'Allah les agrée tous. Voilà par rapport à ça. Et ainsi on aura fini la première partie de ces fatawa et commencera la deuxième partie dans laquelle il va aborder le sujet de l'exagération dans la religion. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Et inshallah la semaine prochaine et au cours de tout à l'heure bi'idhnillah, quand on va commencer sur l'épître de Cheikh Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Fadlul Islam. C'est un épître extrêmement bénéfique. Inch'Allah, nous allons l'étudier, le commenter d'une manière concise et nous allons essayer de le finir en quelques séances seulement. Le but, c'est de lire les textes et les preuves que Cheikh l'Islam a rapportées, et Inch'Allah avec le commentaire de nos savants, de ces dalils. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.